ni l'hôtel, gros titin pa ni cabaret. Mais loué en chambre ka yaya, au fond chambre la ni en pia. C'est là, c'est bien là, à ka yaya ça ka passé. À ka yaya dans chambre yaya, yaya c'est yon bon soutireuse. Kayaya toute la journée qu'a joué pia. C'est là, c'est bien là, à Kayaya ça qu'a passé. À Kayaya dans chambre yaya, c'est lui qui cassé.